السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, nous poursuivons la lecture du livre Al-Adab Al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari, la partie authentique annotée par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes arrêtés au chapitre Babun Fadlu Memma Talahul Walad, chapitre Le mérite de celui dont l'enfant meurt. L'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, à travers ce chapitre, veut attirer notre attention dans ce livre sur le bon comportement. Il veut attirer notre attention sur le fait que la personne à qui on décrète la grande épreuve de la perte de l'enfant se doit de se montrer endurant, mais également d'espérer la récompense à travers ce malheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le savant, le sage. Le savant, le sage, celui qui est le maître des cieux et de la terre, décrète ce qu'il veut, celui face auquel on ne peut repousser la volonté. Celui qui perd un enfant se doit d'être endurant et d'agréer d'avoir Allah Azza wa Jal pour Seigneur. À travers ce chapitre, l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala va te mentionner des textes qui amènent l'apaisement des cœurs éprouvés, la grande récompense qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour ceux qui se sont montrés endurants et ont agréé Allah, le Seigneur des mondes, pour unique et seule divinité. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار illa tahillat al-qasam. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman qui perd trois de ses enfants ne sera pas touché par le feu, mais il ne sera pas dispensé du serment. Il n'y a pas un musulman, il n'y a pas une personne parmi les musulmans qui perd trois de ses enfants et qui sera touché par le feu, si ce n'est l'engagement qui a été pris. Et vous comprendrez, incha'Allah ta'ala, ce que signifie l'engagement qui a été pris. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce le grand mérite attribué à celui qui a été éprouvé, celui et celle bien sûr, qui ont été éprouvés par la perte de l'enfant. La personne ici qui est visée est celle qui a perdu trois de ses enfants, mais sous condition. La première, li ahadin min al-muslimi, qu'il soit musulman, qu'il soit croyant, qu'il adore Allah d'un culte sincère et reconnaisse qu'il est la seule divinité digne d'être adorée, et que Mohammed est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il doit être musulman. La deuxième condition qu'on lui mentionne ici, il perd trois de ses enfants. Et on verra à travers les autres ahadiths que même celui qui en a perdu moins a un mérite immense qu'on mentionnera incha'Allah ta'ala. La troisième condition, c'est al-ihtisab. Que signifie al-ihtisab? C'est le fait d'espérer en Allah la récompense à travers ce malheur. C'est-à-dire, je suis touché par une épreuve. Je supporte l'amertume et la douleur qui habitent mon cœur. Mais je retiens ma langue de toute mauvaise parole. Je retiens mes membres de toute mauvaise action. Et je retiens mon cœur de toute mauvaise opinion de mon Seigneur. C'est ce qu'on appelle « al-sabr », l'endurance. En plus de cela, il espère la récompense chez Allah Azza wa Jal à travers ce malheur. C'est ce qu'on appelle « al-ihtisab ». C'est une grande forme d'espoir. Celui qui réunit ces conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce qu'il sera prémuni contre le feu de l'enfer. C'est-à-dire que ses enfants perdus seront à l'image d'un rempart entre lui et l'entrée en enfer. Entre lui et l'entrée en enfer. En d'autres termes, il entrera au paradis directement, sans passer au préalable, sans passer avant par l'enfer. À la fin du hadith, on nous dit illa tahillat al-qasam. Naam. On fait référence ici, si ce n'est pour honorer le serment, on fait référence ici à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Maryam. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dans ce verset, on nous enseigne que tout le monde y passera. Tout le monde y passera. Naam, il s'agit du feu. Il s'agit du feu. Cependant, les croyants ne seront touchés que légèrement, puis Allah Azza wa Jal les sauvera. Puis Allah Azza wa Jal les sauvera. Donc, celui qui perd trois de ses enfants sera préservé du feu de l'enfer. Voici ici un grand mérite mentionné par le prophète alayhi salatu wa salam à toute personne et croyante ayant perdu trois de ses enfants, endurante et espérant la récompense à travers ce malheur. Le hadith suivant. An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi sabi faqalat ud'u Allah lah faqad dafantu thalathatan faqal ihtadirt bi hidar shadid min an-nar. D'après Abu Hurayrata radiallahu anhu, une femme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un enfant et a dit: invoque Allah en sa faveur, car j'en ai déjà enterré trois. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: de puissants remparts ont été dressés pour toi contre l'enfer. Allahu Akbar. Cette femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant avec elle, en portant un bébé, un enfant. Puis, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour cet enfant. Pourquoi? Elle mentionne qu'elle a déjà été éprouvée par la perte de trois de ses enfants. Par la perte de trois de ses enfants, elles sont mortes en bas âge. N'est-ce pas? Alors elle demande au prophète alayhi salatu wassalam de faire dua pour cet enfant, c'est-à-dire qu'il vive dans le bien, qu'il grandisse dans le bien, sous son œil, na'am, sous ses yeux, et qu'elle se réjouisse de le voir grandir, de l'élever, de l'éduquer, et de le voir s'épanouir dans l'islam. Elle demande au prophète alayhi salatu wassalam de faire dua pour cet enfant, car elle s'est attachée à lui, car elle l'a aimé. Et on a déjà étudié les hadiths sous le chapitre de Al-Walidatu Rahimat. Les mères sont très, ont beaucoup de pitié, sont très miséricordieux. Et de demander Ad-Dua à une personne qui est vivante, présente, et de lui demander une chose qui entre dans la capacité du fils de Adam en général, ceci est permis. Demander l'aide de la personne qui est vivante, présente, et lui demander une chose qui entre dans la capacité du fils de Adam, c'est permis. C'est une demande d'aide qui est permise. Contrairement à la demande d'aide ou de dua adressée aux morts. Ça, c'est du shirk akbar mutlaqan, c'est-à-dire dans tous les cas, quelle que soit la demande, faite et avancée. Ou de demander à l'absent sans moyen de communication. Na'am, de demander le secours de tel wali, de telle personne, de tel saint, de tel soi-disant saint, alors qu'il n'est pas présent, il n'a pas de moyen de communication pour recevoir cette information, c'est qu'on a pensé qu'il était parfaitement omnipotent et on l'a élevé au même niveau qu'Allah Azza wa Jal, c'est du polythéisme majeur. Ou encore, de demander une chose que seul Allah peut dispenser et accorder, c'est du polythéisme majeur, comme demander à une créature de nous faire entrer au paradis, ou de nous donner des enfants, ou de nous faire traverser le pont, le sirat, le jour du jugement dernier. Non, tout cela ne se demande qu'à Allah Azza wa Jal. Donc cette femme a demandé dua à la personne la plus pieuse du monde, le prophète alayhi salatu wassalam. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec une grande sagesse, mais également une profonde pitié, une grande compassion. Une profonde pitié et une grande compassion. Il lui a dit, de puissantes clôtures ont été dressées pour toi contre l'enfer. Naam. Ihtuvirti bihivarin shadid. Hivar, c'est-à-dire ha'ir. Des clôtures, des murs, des remparts. Naam. Ainsi, ces enfants que tu as perdus en bas âge seront pour toi une clôture, un rempart, un mur entre toi et le feu de l'enfer. Entre toi et le feu de l'enfer, le jour de la résurrection. Et remarquez qu'on ne nous dit pas, on ne nous dit pas dans ce hadith un rempart contre le feu de l'enfer. Non. Mais de puissants remparts. On appuie et on intensifie cette protection et cet éloignement et cette préservation de tomber dans le feu de l'enfer. On intensifie et on immensifie le mérite et ce qu'Allah Azza wa Jal lui accorde comme protection. On voit dans ce hadith le grand mérite et la grande récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à la personne qui a perdu trois de ses enfants. Naam, si elle se montre endurante et espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle entrera au paradis directement, sans passer au préalable, par l'enfer. À travers ce hadith, on voit le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il n'a pas directement répondu à sa demande, ou simplement répondu à sa demande, mais plutôt, il l'a réconforté. ce qu'on appelle et tashliya. Il l'a apaisé. Il lui a dit des paroles réconfortantes. Ainsi, celui qui est éprouvé fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que de lui dire des paroles réconfortantes. Et quelle meilleure parole pour réconforter l'éprouvé que la révélation à travers le Coran ou la sunna du noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Il faut rappeler à la personne ce qu'Allah lui a préparé dans l'au-delà. Il faut rappeler à la personne que ce bas monde est voué à disparaître, qu'il ne dure pas et que c'est un champ de labour. Et que la récolte aura lieu yawm al-qiyamah. Et quelle meilleure récolte que de trouver un rempart solide et très puissant entre nous et le feu de l'enfer le jour de la résurrection. Le hadith suivant, عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة. Khalid al-Absi, rahimahullah, a dit: j'ai perdu un de mes enfants. J'ai perdu un de mes enfants. Et j'ai ressenti une profonde douleur, une profonde tristesse. J'ai dit: ô Abu Huraira, as-tu entendu quelque chose de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui puisse nous consoler de la perte de nos morts? Il répondit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: vos jeunes enfants sont les petites créatures du paradis. Vos jeunes enfants sont les petites créatures du paradis. Dans ce hadith, Khalid al-Absi a été touché par cette grande épreuve. Et la multitude de ahadith mentionnant des pieux prédécesseurs, mentionnant des sahaba ayant perdu des enfants, est en soi une consolation pour ceux qui ont perdu des enfants. Pourquoi? Car lorsque tu n'es pas esselé dans ton malheur, ça t'aide à supporter. Lorsque tu sais que beaucoup de personnes sont éprouvées par la même chose et que beaucoup d'entre eux ont pu supporter, ça te réconforte. Ça te réconforte. Alors que lorsque tu es touché par un mal et que tu te vois seul, c'est très dur, c'est beaucoup plus dur à supporter. Donc, Khalid al-Absi a été éprouvé par la perte de l'enfant. Qu'est-ce que ça a causé en lui? Une profonde douleur, une amertume, na'am, et une profonde tristesse. Comme il a dit, « wajdan shadidan ». Il n'a pas dit une douleur ou une tristesse, non, mais profondément. Parce que la douleur de la perte de l'enfant, ça n'est pas une douleur comme les autres. Ça n'est pas une épreuve comme les autres. Mais c'est une épreuve très douloureuse, à un point tel que la personne qui se retrouve dedans peut avoir besoin de nombreuses années pour s'en remettre et peut se retrouver dans une amertume qu'elle pense ne jamais pouvoir disparaître. Si ce n'est la miséricorde, n'eût été la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, sa douceur et sa pitié envers ses serviteurs. Mais ce pieux a eu la bonne réaction. Vers qui il s'est dirigé? Vers le meilleur rapporteur de hadith de l'islam. Vers Abu Hurayra radiallahu anhu, le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Il lui a donc dit: ô Abu Huraira, as-tu entendu quelque chose de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous consoler, pour apaiser nos âmes de la perte de nos morts? Voici le bon comportement. Voici la noble réaction. Tu as une douleur que tu n'arrives pas à enlever. Tu as un malheur que tu ne parviens pas à dissiper. Tu as un problème que tu ne réussis pas à régler. Allah Azzawajal te dit dans le Coran, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lam. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Allez voir les savants, questionnez-les, interrogez-les. Naam. Il a donc demandé à Abu Hurayra. Mais qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé, pas pour lui en lui-même, mais pour son état et sa qualité de compagnon ayant entendu du prophète alayhi salat wa salam. C'est ainsi lorsque tu te diriges vers le savant, tu l'immensifies de manière légiférée religieuse. Tu n'exagères pas, tu ne considères pas qu'il peut dispenser une bénédiction. Tu ne considères pas qu'il a la capacité de soigner, de faire revivre les morts ou autre. Non, mais tu lui donnes la place qu'Allah lui a donnée. C'est un serviteur pieux, tu l'aimes en Allah. Tu le considères et l'immensifies pour la science qu'Allah lui a accordée. Et tu lui vois un profond respect. Tu prends sa science, tu le questionnes, tu l'aimes, tu invoques Allah en sa faveur. Tu ne lui nuis pas, tu défends l'honneur des savants et tu leur accordes un grand respect. Mais tu n'exagères pas à leur sujet. Tu n'exagères pas à leur sujet. Naam. Donc il lui demande, qu'est-ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comme il est beau que la personne, dans son malheur, cherche à entendre des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam pour tranquilliser son cœur. Pour tranquilliser son cœur et sortir du malheur vers le bonheur. Ceci est la meilleure des voies. Ceci est la meilleure des voies. Alors Abu Hurayrata radiallahu anhu lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Sirarukum, vos petits, vos jeunes, da'amis ul jannah. Da'amis, à la base, c'est le pluriel de du'mus. De du'mus. Et à la base, ce sont les petites bêtes qu'il y a dans les points d'eau. Na'am. Mais ici, le sens est, ce sont les petites créatures du paradis. En fait, on fait une corrélation, une similitude entre la petitesse de ces petites bêtes dans ce bas monde et le fait que ces enfants soient des bébés, des petits qui sont dans la vasteté du paradis. Et que pensez-vous de l'effet d'un hadith aussi grandiose, aussi extraordinaire, aussi sensationnel de la bouche du compagnon l'ayant entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wa salam qui atterrit? Naam, et s'échoue dans l'oreille de ce pieux prédécesseur. Touché par cette épreuve, touché par ce malheur, sans aucun doute, un grand réconfort. Sans aucun doute, un grand bonheur, une grande joie. Les enfants, vos enfants décédés, mes très chers frères, vos enfants décédés, chère sœur, vous précède dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a entre vous et eux que la mort pour vous retrouver. Et rien ne vous empêche, chers croyants, de retrouver vos enfants que vous n'avez pas perdus en réalité. Mais vous les avez avancés et vous allez les rejoindre et les retrouver, incha'Allahu ta'ala, dans les jardins d'Éden, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaste comme les cieux et la terre. Et lorsque l'on dit à des gens que nous aimons, on espère qu'on se rencontrera dans les meilleurs endroits. Ne vois-tu pas lorsque tu rencontres ton bien-aimé, qu'il y a dans ton quartier, qu'il y a dans ta ville, qu'il y a dans ta région? Et tu le rencontres à la Umra. Tu le rencontres à Mecca. Tu le rencontres au Bilad al-Islam. Vois-tu la joie? Vois-tu le délice que ça te procure? Alors, oserais-je imaginer la joie de retrouver ton propre enfant que ta chère épouse a enfanté, et tu le retrouves où? Dans le meilleur endroit, apprêté par un Seigneur miséricordieux, riche et omnipotent. Dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les enfants décédés, les enfants des musulmans décédés précèdent leurs parents au paradis. Et écoutez, dans la version de l'imam muslim de ce hadith, on nous dit « Yaltaqi ahaduhum aba » L'un d'entre eux, c'est-à-dire les enfants morts, les enfants des croyants qui sont morts, petits, qui sont entrés au paradis avant leurs parents. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit l'un d'entre eux rencontrera ses parents, rencontrera son père, dans l'autre version, abawai, ses parents. Faya'khudhu bi thawbi aw bi yadi fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu al-jannata wa aba. Écoutez ce hadith. Écoutez ce hadith. Les mots me manquent pour décrire sa splendeur, sa beauté. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit que l'enfant rencontrera ses parents, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et il les prendra par le vêtement. Vous voyez le petit enfant lorsqu'il tient le tissu, le kamis de son père ou le djilbab ou la robe de sa mère avec sa main. Naam. Il tiendra le vêtement de ses parents. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, il le tirera jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal le fasse entrer au paradis, c'est-à-dire l'enfant, avec ses parents. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Parfois, certaines personnes sont éprouvées. Et on se dit, Alhamdulillah, je ne suis pas dans la même situation. Alhamdulillah, je ne suis pas dans la même situation. Mais cela me rappelle le hadith du prophète alayhi salat wa salam qui dit que lorsque les gens en bonne santé verront les malades le jour de la résurrection et la récompense qu'Allah leur a accordée, ils auraient souhaité dans ce bas monde avoir été tranchés par des scies. Avoir été tranchés par des scies, de la raie de la tête, avoir été tranchés. Allahu Akbar. Alors ça c'est quand? C'est dans l'au-delà. C'est le jour de la résurrection lorsqu'ils verront les dons d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui étaient éprouvés. Mais comme le prophète alayhi salat wa salam nous dit, Salallah al-afiyah, demandez à Allah la préservation. Fala sallallahu Azza wa Jal al-afiyah. Donc voici votre récompense, chers parents. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal vous apprête. Et il y a dans cela un grand réconfort. Un grand réconfort. Et ô combien un développement de l'espoir dans le cœur de ceux qui ont été éprouvés. Le hadith suivant. An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma qal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال قال وانا اظنه والله. D'après Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui perd trois enfants et espère ou bien et endure dans l'espoir de la récompense d'Allah entrera au paradis. Nous demandâmes ou nous dîmes, ô messager d'Allah, et deux, c'est-à-dire même si c'est deux, il répondit, deux aussi. J'ai dit à Jabir, c'est-à-dire celui qui rapporte le hadith de Jabir ibn Abdullah, savoir Mahmoud ibn Labid, j'ai dit à Jabir, par Allah, je pense que si vous aviez dit un, c'est-à-dire même si il n'a perdu qu'un seul enfant, je pense que si vous aviez dit un seul, il aurait dit, il aurait aussi dit un. Et Jabir ibn Abdullah a répondu, par Allah, je pense aussi qu'il aurait dit un. Dans ce hadith, on a une information très importante. Dans ce hadith, on a une information importante qui vient spécifier la généralité des hadiths précédents. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, celui qui perd trois enfants. Certes, cette information a été mentionnée précédemment. Mais l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous ajoute ce hadith car il y a une information capitale et une condition pour obtenir toutes ces hasanat. Cette préservation contre le feu de l'enfer, cette entrée au paradis sans préalable, au préalable passer par l'enfer. C'est que le prophète alayhi salat wa salam a dit « Fahtasabahum » celui qui perd trois enfants, mais il y a une information très importante qui est « et endure dans l'espoir de la récompense d'Allah ». C'est ce qu'on appelle « l'ihtisab ». C'est-à-dire, il espère la récompense à travers ce malheur. Il se montre endurant dans l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette condition, na'am, elle est indispensable afin d'obtenir toutes les récompenses mentionnées précédemment. Quant à celui qui se courrouce face au décret d'Allah, quant à celui qui se révolte et en colère contre le, ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, ce dernier, quant à celui qui profère de mauvaises paroles, et pourquoi moi? Et moi, et qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, je ne fais pas de bêtises et je fais de mal à personne, pourquoi ça me touche moi? Et beaucoup d'autres qui sont dans le haram, ça ne les touche pas, et ce genre de mauvaises paroles. Ou celui qui se griffe le visage, qui se roule par terre. Non. Celui qui se révolte contre les décrets d'Allah, lui, il n'a pas ses récompenses. Au contraire, il mérite la punition chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui perd trois de ses enfants et endure dans l'espoir de la récompense d'Allah, entrera au paradis. Entrera au paradis. Est-ce que cela est seulement pour ceux qui ont atteint le nombre de trois décès après leur naissance, après la naissance de leurs enfants? Les compagnons ont demandé au messager d'Allah et deux, c'est-à-dire, et dans, au messager d'Allah, et dans le cas où la personne n'a pas perdu trois de ses enfants, mais seulement deux, seulement entre guillemets, car c'est très lourd et très éprouvant, mais que deux. Le prophète sallam a répondu, deux aussi. C'est-à-dire, cette grande récompense que vous venez d'entendre dans ce hadith est également préparée et promise à celui qui a perdu deux de ses enfants tout en se montrant endurant et en espérant la récompense chez Allah. Celui qui rapporte le hadith de Jabir est Mahmoud, qui nous dit ici, par Allah, il a la certitude, tellement il a confiance en Allah, et son espoir est profond et immense en son Seigneur, de par la connaissance qu'il en a à travers ses noms, ses attributs, sa générosité, sa bonté, sa miséricorde, sa pitié, il jure par Allah. Je pense que si vous aviez dit un, il aurait dit un. C'est-à-dire, celui qui perd un enfant et se montre endurant en espérant la récompense d'Allah, entrera au paradis. Jabir, celui qui nous mentionne ce hadith, lui également, acquiesce et confirme. Il dit, par Allah, je pense qu'il aurait dit un. Qu'est-ce qui a poussé ses compagnons? Qu'est-ce qui a poussé ses compagnons à jurer par Allah? Car ils avaient husnul dhanni billah, une excellente opinion de leur Seigneur. Voici un trésor ineffable, indescriptible, sans pareil. Naam, la bonne opinion qui habite le cœur du croyant à l'égard de son Seigneur. Il a toujours une bonne opinion d'Allah. Quel que soit son état, quelle que soit sa situation, il pense qu'Allah Azzawajal ne fera de lui que ce qui est bon, que ce qui est sage, que ce dans quoi il y a le meilleur pour lui, et qu'Allah Azzawajal fera pour lui meilleur que ce que ferait sa mère qui l'a mise au monde et qui l'a aimé comme personne ne l'aimera dans ce bas. Son père qui lui a donné la vie par la permission d'Allah Azzawajal et qui se lève pour travailler pour lui, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Tous les gens réunis dans ce bas monde ne sauraient lui faire la plus petite chose qu'Allah Azzawajal lui fera. Il a donc une excellente opinion de son Seigneur. Et Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, nous cite cette belle parole. Si on m'avait donné le choix entre le fait d'être jugé par mon père et ma mère le jour de la résurrection ou Allah, mon Seigneur, j'aurais choisi Allah. Allah est meilleur pour moi que mon père et ma mère. Allahu Akbar. Husnul dhanni billah, ikhwat al-iman. La bonne opinion d'Allah fait de toi un serviteur sincère. La bonne opinion d'Allah fait de toi un serviteur fort. La bonne opinion d'Allah fait de toi un serviteur debout. Enraciné telle une montagne que ni le vent, ni la pluie, ni les tempêtes ne peuvent déplacer. Enraciné tels les palmiers. Élevé tels les branches et les feuilles du palmier. La bonne opinion d'Allah, c'est ce qui fait que tu ne désespères jamais de la miséricorde de ton Seigneur. La bonne opinion d'Allah, c'est ce qui fait que tu te repens, quelle que soit la faute dans laquelle tu es tombé. La bonne opinion d'Allah est ce qui fait que tu œuvres, même si les gens te dénigrent, t'abandonnent parce que tu te cramponnes à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. La bonne opinion d'Allah, c'est ce qui fait que jamais tu ne laisses ton cœur pencher vers une créature et abandonner toute ton affaire à elle. Tu ne comptes que sur Allah Azzawajal. La bonne opinion d'Allah, c'est ce qui fait que tu œuvres, même lorsque c'est peu, parce que tu sais qu'Allah sait chaque jour, il va décupler et te donner avec largesse. Ce compagnon a une bonne opinion d'Allah Azzawajal. Il connaît de la grandeur des dons d'Allah, de la grandeur de la générosité d'Allah, de la grandeur de la noblesse d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Quel est donc le secret qui amène le serviteur à endurer dans cette épreuve? Le secret, c'est l'iman billah, c'est la foi en Allah, c'est le fait d'être croyant. Le secret, c'est de croire au jour dernier. Un jour, on reviendra vers Allah pour être jugé. Le secret, c'est l'iman bil qadar, khayri wa sharri. C'est la foi en la prédestination, qu'elle te soit favorable ou défavorable. Tu as la certitude qu'Allah, c'est le Seigneur des mondes. C'est lui qui t'a créé, c'est lui et tu vis dans son royaume. C'est ton maître et tu es son serviteur, tu es l'esclave. Et c'est la divinité, c'est le maître. Il décide et tu te soumets. Il ordonne et tu appliques. C'est le roi, c'est le maître. Et tu es son serviteur et tu es son esclave. C'est lui qui donne, qui dispense. C'est lui qui reprend et qui prive. Il administre toutes les affaires des cieux, de la terre et des mers, selon ce qu'il veut, selon que ce qu'il décide. Lorsqu'il veut une chose, il dit soit, il dit kun et elle est. Nul ne peut s'opposer à son décret et nul ne peut rejeter ce qu'il a voulu. Le croyant a la certitude quant à ses sens. Le croyant, lorsqu'une épreuve le touche, il sait que ce qu'il a atteint ne pouvait le manquer. Et ce qu'il a manqué ne pouvait le toucher. Et lorsque le malheur touche l'un d'entre nous, écoutez bien, sachez qu'il nous incombe plusieurs choses. La première, l'endurance. Qu'est-ce que l'endurance ? Emprisonner son âme contre toute révolte face au décret d'Allah. Emprisonner sa langue contre toute mauvaise parole face au décret d'Allah. Emprisonner ses membres contre toute mauvaise action face au décret d'Allah. Si tu fais ça, tu es as-sabir, tu es l'endurant. Tu es l'endurant. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné l'endurance dans le Coran. C'est une obligation. Wasbir. Et montre-toi endurant. Wa ma sabruka illa billah. Mais tu ne pourras l'être que par Allah. Il faut donc demander l'aide à Allah Azza wa Jalla. Et il faut s'entraîner. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Le prophète alayhi salatu wasalam te dit, et celui qui s'efforce d'être endurant, Allah lui accorde l'endurance. Il ne faut pas être le faible et dire « Je n'y arrive pas et tu n'as pas été touché par mon malheur et tu… » Non, sois le fort. Endure. Et l'endurance, c'est lors du choc. C'est à l'instant T. C'est pas proférer de mauvaises paroles, de mauvaises actions, une mauvaise opinion d'Allah et plus tard tu dis « On endure. » Non, tu n'as pas été endurant si tu n'as pas été endurant lors du choc. C'est sur le coup. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est avec le cœur, avec les membres, avec la langue. La deuxième étape, elle est ihtisab. Tu dois espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal à travers ce malheur. Tu ne dois pas simplement endurer et te contenir. Non, tu dois t'élever et prendre de la hauteur. Et vouloir encore mieux que cela, c'est-à-dire la récompense chez Allah. Car dans toute épreuve, Allah Azza wa Jal y a rattaché une récompense ou plusieurs. La troisième chose, c'est le zikr. C'est le rappel d'Allah, c'est la mention d'Allah. Il t'est légiféré de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Allah que se fera notre retour. Dans Surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit « Wa bashir al-sabirin الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, c'est-à-dire quel que soit le malheur, aussi petit soit-il, ou aussi grand soit-il, na'am, de la piqûre du moustique, au décès de l'enfant, à la perte de ses biens, à la maladie dévastatrice. Naam. À la perte d'un centime. Quel que soit le malheur, c'est général. Car le mot a été cité ici dans un contexte où c'est la condition. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, quel qu'il soit, disent. C'est-à-dire directement lorsqu'ils sont touchés par le malheur. Inna lillah. Wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et vers Allah se fera notre retour. Allah Azza wa Jal nous dit ensuite Oulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa oulaika humul muhtadun. À cela, à eux spécifiquement, on accordera salawatum min rabbihim, des prières émanant de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fera leurs éloges auprès des anges rapprochés. Wa rahma est une miséricorde, une pitié de la part d'Allah Azza wa Jal. Voici deux choses. La troisième, wa ulaika humul muhtadun, et voici les bien guidés. Allah leur accorde la guidée. Trois choses qu'Allah a promis à toute personne éprouvée qui se rappelle d'Allah dans son malheur et dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si Allah t'accorde la réussite, te guide, t'assiste lors du malheur, d'être endurant et de dire cette parole et d'espérer la récompense d'Allah, c'est qu'Allah a voulu pour toi le bien. Wa ma tawfiqi illa billah. Comme Allah dit dans le Coran, en mentionnant l'histoire de son prophète, et ma réussite n'est que chez Allah, n'est que grâce à Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de capacité à passer d'un état vers un autre meilleur que par Allah, que par la force et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Mais que signifie cette parole? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Naam, on pourrait dire que le dire est facile, mais non, même le dire, pour le dire, tu as besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Tout comme pour faire un pas et mettre un pied devant l'autre, tu as besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Inna lillah, il te faut le comprendre. Wa inna ilayhi raji'un, il te faut le comprendre. Pour dire ce dhikr et qu'il remplisse ton cœur et se propage en toi et réveille ton âme et dissipe sa douleur et son malheur. Plus tu as connaissance du sens du dhikr, plus tu es sincère et véridique avec Allah, plus il aura un effet dans ton bas monde, dans l'au-delà et dans ta récompense. Donc que signifie inna lillah wa inna ilayhi raji'un? Inna lillah signifie ana lillahi abd. Fa huwa rabbi wa ana abdu. Inna lillah signifie j'appartiens à Allah. Car Allah est mon maître. Allah est mon seigneur. Donc le seul que j'adore d'un culte sincère. Inna lillah. Je suis à Allah. J'appartiens à Allah. Allah est mon maître. Allah est mon Seigneur, comme il est le Seigneur de l'univers. Je vis et je suis sous son commandement, sous ses ordres, dans son royaume, sur sa terre, sous son ciel, avec ses bienfaits. C'est lui qui organise toute ma vie comme il le veut, comme il le souhaite, et je m'y soumets, car je suis son serviteur et c'est mon maître. Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous retournerons. Il s'agit du jour de la résurrection. Le jour où les tombes se fendront. Le jour où on soufflera dans la trompe une dernière fois. Et qu'on sera tous convoqués et qu'on sortira avec précipitation et empressement sur la place du jugement dernier. On sera tous ressuscités, corps et âme, nus, pieds nus, non circoncis, dépouillés de toutes nos richesses, et on sera tous réunis sur la place du jugement dernier. On sera appelé à comparaître devant Allah, le Maître, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce bas monde et de l'au-delà. Et on nous ressuscite pour être questionné. Waqifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les. Ils sont interrogés. On sera donc jugé. On sera donc jugé. Et la balance sera déposée. Un plateau pour les bonnes œuvres, un plateau pour les mauvaises œuvres. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Fût-il du poids d'une petite fourmi, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-il du poids d'une petite fourmi, le verra. Donc le jugement, il est très détaillé, très spécifique, à un point tel que le poids de la petite fourmi de bien ou de mal agira et affectera la balance le jour de la résurrection. Donc, vers Allah tu retourneras, c'est-à-dire qu'il va te juger, il va t'interroger. Et parmi les choses sur lesquelles il t'interrogera, c'est comment t'es-tu comporté lors du malheur. Et si tu as été éprouvé par la perte de l'enfant, qu'est-ce que tu as dit? Quelle opinion as-tu eu d'Allah? Et qu'est-ce que tu as fait? La personne touchée par le malheur doit se rappeler qu'elle doit bien se comporter et qu'elle doit endurer et qu'elle doit espérer la récompense chez Allah et dire que du bien et faire du zikr. Pourquoi? Parce qu'elle va revenir vers Allah et elle va être jugée. Et le jour jugement dernier, il y a la finalité qui est soit le paradis, soit l'enfer. Si elle s'est montrée endurante, le paradis. La protection, un rempart très solide contre le feu de l'enfer. Et dans le cas contraire, nas'alullah al-afiyah. Celui qui a ses sens présents dans son cœur, lors de l'épreuve, se montrera endurant. Et il réussira, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, l'épreuve. Prenez donc l'habitude, pour chaque petite et grande chose qui vous touche, de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Enfin, rappelez-vous, lors du malheur, que c'est un Seigneur doux, affectueux, sage et savant qui t'a éprouvé. Et tout ce qu'Allah décrète et fait, c'est le bien. Wa sharru laysa ilayk. Le prophète alayhi salat wa salam disait, et le mal ne revient pas à toi. Tu n'as pas de mal dans tes noms. Tu n'as pas de mal dans tes actions. Tu n'as pas de mal dans tes attributs. Tu n'as pas de mal dans ton décret. Tout ce que tu fais, Allah, c'est bien de ce point de vue-là. Mais le mal peut se trouver sur certaines de ces créatures. Et dans certaines de nos actions à nous, mais tout ce qu'Allah a décrété, tout ce qu'Allah a fait de ce point de vue, c'est exclusivement du bien. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit « Inna allaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. » Certes, Allah est bon, pur. Il n'accepte que ce qui est bon, pur. Voici quelques clés pour nous permettre, avec l'aide d'Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, de se montrer endurant lors de l'épreuve. On peut ajouter, avant de passer au hadith suivant, lire le Coran, lire la Sunna et étudier la biographie du prophète sallam et des plus prédécesseurs, comment se sont-ils comportés lors de l'épreuve. Naam. Et rappelez-moi de parler du comportement du prophète sallam lors de cette épreuve qu'il a également touchée. Et tu as un parfait exemple à suivre en la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement dans cette épreuve. Le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك إن لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتيك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة أو اثنان قال أو اثنان كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, une femme vint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager d'Allah, nous ne pouvons t'atteindre lors de ton assise. Accorde-nous donc un jour où nous pouvons venir. Il dit, votre lieu de rendez-vous sera la maison d'un tel. Elles vinrent au rendez-vous et parmi les choses qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, leur raconta, pas une femme ne perd 3 enfants et endure sans qu'elle n'entre au paradis. L'une d'entre elles demanda, et deux? Il répondit, et deux. Dans ce hadith, on voit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, nous ne pouvons venir dans tes assises. Nous n'avons pas la capacité. Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela, radiallahu anha? Elle a dit cela car il y avait beaucoup d'hommes qui assistaient aux allocutions au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la femme n'allait pas se mélanger aux hommes. La femme, de par sa pudeur, de par sa piété, réprouve cela. Elle se maintient loin. Elle met une distance entre elle et les assises des hommes. Elle n'aime pas être vue ainsi. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de microphone. Il n'y avait pas de moyen de faire parvenir la voix comme c'est le cas de nos jours, même dans les grandes assises, dans les grandes assemblées de milliers de personnes. C'est pour cette raison que cette femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons t'atteindre lors de ton assise. Et cela est un témoignage en faveur des compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lorsqu'il y avait un cours, ils affluaient, ils étaient nombreux dans les assises du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est une bonne chose qu'on doit revivifier lorsqu'il y a un cours. On doit affluer. On doit remplir les assises de nos savants. Si on ne peut pas atteindre nos savants, alors les élèves de nos savants et les prédicateurs de Ahli Sunnati wal Jama'a. Qu'est-ce que la femme a dit? Alors on abandonne la science. Alors c'est pour les hommes. Non! Elle a cherché à pallier à ce problème. Et elle a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de trouver une solution à cela. Qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il lui a dit, ou plutôt elle a dit, accorde-nous un jour où nous pouvons venir. C'est-à-dire, spécifie-nous un moment, un jour particulier, afin que nous, les femmes, puissions tirer profit de ta science. Épuiser dans ton puits de science une eau qui donnera la vie du cœur dans ce bas monde et dans l'au-delà, tout comme l'eau de ce bas monde aide à la vie du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de cela, on tire une leçon. C'est de spécifier le moment et le jour lorsqu'il y a un cours, afin que les gens puissent prendre leur disposition et dégager de leur temps, s'organiser pour pouvoir eux prendre la science, ou dégager du temps à leurs proches pour qu'ils puissent eux également tirer profit de la science. Barakallahu fikum. Donc c'est une bonne chose d'informer du jour, de l'heure, et de faire savoir cela, de propager cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit ad-dallu 'ala al-khayr ka fa'ali. Celui qui montre le chemin du bien est comme celui qui l'a fait. C'est-à-dire qu'ils sont associés dans la récompense. Ils sont associés dans la récompense. Également, on tire de cette parole qu'il est demandé aux femmes de s'instruire dans leur religion, de rechercher la science, d'apprendre à connaître Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre à connaître leur religion et de questionner sur tout ce qui leur pose problème. Et Aïcha radiallahu anha dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des compagnons parmi les muhajiroun. Leur pudeur ne les empêchait pas d'interroger le prophète alayhi salatu wa sallam sur leur religion. Naam, sur les soucis de menstrues, de règles, sur les soucis d'ihtilam lorsque la femme se réveille en état de janaba, est-ce qu'elle doit se laver? Oui, si elle voit le liquide. Des questions qui peuvent être gênantes, mais de par la nécessité d'avoir les réponses à ces questions, avec leur pudeur, avec leur grande piété, elles posaient ces questions. Donc la femme doit interroger sur ce qui lui est problématique. Elle doit demander aux gens de science, mais avec les termes adéquats, les termes justes, les termes sages, avec pudeur, en apprenant à poser les questions. Elle peut demander une exhortation, elle peut demander à être orientée, à être guidée. Tout cela est venu dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a dit, votre lieu de rendez-vous sera dans la maison d'un tel. Naam, il a spécifié l'endroit et le lieu. Et vous remarquerez qu'il a dit la maison d'un tel. C'est pour ça que certains savants, disent que le mieux pour les cours des femmes, Naam. Ça n'est pas particulièrement lorsque la femme dispense le cours. Naam, car il y a des femmes de science, bien évidemment. Lorsque la femme dispense le cours, le mieux, naam, ça n'est pas à la mosquée, mais c'est dans un foyer ou dans une salle. Naam, certains savants ont cet avis. Certains savants ont cet avis. Pourquoi? Parce que c'est plus mastour pour elles. C'est plus prompt à ce qu'elles soient réservées. Et cela n'occulte aucunement le fait que le prophète sallam a dit « La tamna'u ima Allah masajid Allah » N'interdisez pas aux servants d'Allah les mosquées d'Allah. Donc si la femme souhaite se rendre à la mosquée particulièrement pour prier, naam, ceci bien évidemment lui est permis, plus encore on ne peut l'en empêcher si ce n'est pour son intégrité, s'il y a un danger de chemin et autres. Elles vinrent au rendez-vous. Elles vinrent au rendez-vous. Et on voit ici l'importance d'honorer l'engagement et de respecter le rendez-vous. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner et nous réformer. Et parmi les choses qu'il leur raconta, on tire de cette parole, qu'il leur a dit plusieurs choses. Mais parmi ces choses-là, pas une femme ne perd 3 enfants et endure sans qu'elle n'entre au paradis. Sans qu'elle n'entre au paradis. Remarquez ici la condition. Fahtasabahum. Elle s'est montrée endurante en espérant. Naam, la récompense d'Allah. Pas une femme ne perd 3 enfants et endure en espérant la récompense d'Allah. Ici, dans la traduction que j'ai, il manque. En espérant la récompense d'Allah, c'est capital, c'est primordial. J'ai ici, pas une femme ne perd 3 enfants et patiente. Naam, le terme adéquat n'est pas déjà la patience, c'est l'endurance. Parce que patienter, c'est attendre. Mais il n'y a pas forcément, dans le sens du terme, la notion de supporter une chose difficile pour l'âme. Or, le terme endurance, lui, implique cela, comprend cela. Il supporte une chose qui est dure. L'endurance, c'est quoi? C'est supporter une chose qui est dure. Donc, le terme adéquat est l'endurance. Comme on m'a fait profiter de ce savoir il y a bien longtemps. Qu'Allah les récompense. Qu'Allah récompense cette personne. Donc, il n'y a pas une femme qui perd 3 enfants et endure dans l'espoir de la récompense d'Allah. Voici la traduction adéquate. Wallahu a'lam. Et endure dans l'espoir de la récompense d'Allah. Sans qu'elle n'entre au paradis. Sans qu'elle n'entre au paradis. Une femme dit alors, et deux, c'est-à-dire dans le cas où ces 2 enfants qu'elle a perdus, a-t-elle également cette grande récompense, l'entrée au paradis? Le prophète alayhi salatu wa salam dit, et deux. C'est-à-dire oui, même si c'est deux. Dans ce hadith, on voit que la récompense est promise à la personne qui a enduré dans l'espoir de la récompense d'Allah si elle a perdu 3 de ses enfants et même 2, même si c'est 2 de ses enfants. Et on voit que lorsque la femme ou le questionneur, naam, ou ceux qui assistent au cours ont une question, naam, s'ils ressentent de l'enseignant qu'ils peuvent poser les questions, ils peuvent poser les questions. Naam. Dans le cas contraire, ils lèvent la main et attendent la permission de l'enseignant pour prendre la parole. Particulièrement si c'est une conférence qui dure un certain temps, à ce moment-là, la sagesse est de ne pas interrompre et de ne pas altérer le rythme et la cadence de la locution, mais d'attendre la fin pour poser la question, soit ouvertement ainsi, soit en l'écrivant, selon ce qui est connu par cet enseignant dans cette assise. Souhaïl, un des rapporteurs du hadith, était très strict dans le hadith. Il demandait d'apprendre par cœur, personne ne pouvait écrire auprès de lui. Souhaïl, c'est Ibn Abi Salih, le rapporteur du hadith selon son père, selon Abu Hurayra, radiallahu anhu. Le hadith suivant an Umm Sulaym qalat radiyallahu anha كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان أم سليم رضي الله عنها j'étais chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit, ô Ummu Sulaym, pas un couple de musulmans ne perd trois enfants sans qu'Allah ne les fasse entrer au paradis par grâce, ni par la grâce de sa miséricorde envers eux, ou envers lui. Envers eux, na'am. Envers eux. Je demandais, et deux ? Il répondit, et deux. Dans ce hadith, il y a le caractère légiféré de conseiller, d'enseigner et d'exhorter les femmes. Ici, le prophète alayhi wa sallam annonce que la personne qui perd ou que le couple qui perd trois enfants, na'am, le couple na'am qui perd trois enfants, mais à la condition qu'on a mentionnée au préalable, c'est en endurant dans l'espoir d'avoir la récompense d'Allah. Quelle est la réponse à cette épreuve ? Il adkhalahum Allah al-jannah, sans qu'Allah ne les fasse tous deux entrer au paradis. Par la grâce de sa miséricorde envers eux. Na'am, on voit ici la grande récompense de celui qui perd des enfants, de ceux qui perdent des enfants et qui endurent, et que l'épreuve touche l'homme, touche la femme, mais également l'homme. Na'am, et que Un autre enseignement, c'est que l'entrée au paradis ne se fait pas grâce aux œuvres du fils de Adam, mais par la cause des œuvres du fils de Adam, qui eux-mêmes sont une cause, les œuvres, pour obtenir la miséricorde d'Allah. Et c'est par la miséricorde d'Allah qu'on entre au paradis. Ainsi, on unit entre les textes qui disent « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun »« Entrez au paradis pour ce que vous faisiez » C'est-à-dire par la cause de ce que vous faisiez. Le bas ici, c'est bas ou sababiyya. C'est le bas de la cause. Et le hadith, quand le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, I'lamu, an la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulallah, qala wala ana illa yataghammadayna Allahu bi fadlin wa rahmatin minhu. Sachez, le prophète nous dit, sachez que nul d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Ni même toi, messager d'Allah, ni même moi, si ce n'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Si ce n'est si Allah me fait grâce et me couvre de sa miséricorde. C'est-à-dire même pas toi, messager d'Allah, qui a énormément de bonnes œuvres, le plus au monde. Il a dit, ni même moi, sauf si Allah me touche de sa grâce et me couvre de sa miséricorde. Donc, l'entrée au paradis, il faut œuvrer. Mais les œuvres ne peuvent acheter, ne peuvent servir de monnaie. Le paradis est bien trop cher pour pouvoir l'acheter avec nos faibles actions. Na'am, mais c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal seulement qui peut suffire à nous faire entrer au paradis. An Sa'sa'ata ibn Mu'awiyata annahu laqiya Aba Dharr رضي الله عنه متوحشا قربه قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل اعتق مسلما أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Le hadith suivant, dans le hadith suivant, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit Sa'sa'at ibn Mu'awiyah rahimahullah dit avoir rencontré Abu Dharr portant en bandoulière quelque chose en peau, ni la matière de peau, je demandais au Abu Dhar, Malaka min al-walad, qu'as-tu comme enfant? Ici, ils ont traduit, connais-tu quelque chose concernant les enfants? Naam, la traduction adéquate, wallahu alam, est plutôt, qu'as-tu comme enfant? C'est-à-dire, combien d'enfants as-tu? Est-ce que tu as des garçons? Est-ce que tu as des filles? Naam, ceci est la traduction adéquate, wallahu alam. Donc, qu'as-tu comme enfant? Et Abu Dhar a saisi cette occasion pour lui transmettre le hadith du roi sallam. Naam, la chose est mentionnée, suite à cette occasion donnée. Donc Abu Dhar lui répond, souhaites-tu que je te raconte un hadith? Je répondis, bien sûr. Alors il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, pas un musulman ne perd trois enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la responsabilité, de la puberté, sans qu'Allah ne les fasse entrer au paradis par grâce et miséricorde. Par grâce et miséricorde envers eux. Ou plutôt par la grâce de sa miséricorde envers eux. Par la grâce de sa miséricorde envers eux. Et pas un homme affranchi, un musulman, sans qu'Allah Azza wa Jal ne fasse que chacun des membres qu'il a affranchi soit un affranchissement de ses propres membres, c'est-à-dire contre l'enfer. C'est-à-dire contre l'enfer. Dans ce hadith, on voit à nouveau la récompense préparée par Allah Azza wa Jal en faveur de ceux qui ont perdu trois enfants, ceux parmi les musulmans qui ont perdu trois enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge où on leur compte leur péché. C'est-à-dire l'âge de la responsabilité, l'âge de la puberté. Comment savoir si on est pubère ou non? Il y a trois signes. Et un spécifique pour les femmes, pour les filles. Le premier signe, c'est inbatu sha'ri al-ana, l'apparition des poils du pubis, poils en bas. Le deuxième signe, al-ihtilam, c'est-à-dire l'éjaculation que le jeune ou la jeune, naam, à travers son sommeil la première fois, souvent, au réveil, trouve le liquide. Naam, suscité, réveillé par, en étant réveillé par le plaisir. Donc, par le plaisir, par le désir. Le troisième signe, compléter 15 années. Compléter 15 années. 15 ans de sa vie. Le signe spécifique aux filles est les menstrues, les règles, les premières règles. La personne qui voit l'un de ces signes devient pubère. Si elle n'a pas de ces signes-là, et atteint 15 ans révolus, elle est automatiquement pubère. Mais si avant ces 15 ans révolus, elle voit l'un de ces signes, elle est pubère, elle ne doit pas attendre 15 années révolues. Barakallahu fikoum. Une fois qu'on a atteint l'un de ces signes-là, on est responsable. Tout ce que nous faisons comme péché est noté et sera présent le jugement dernier si on ne s'est pas repenti de cela. Donc le pubère doit faire attention. Il est adulte. Et tous ces termes-là, adolescent, en cherchant à minimiser la responsabilité, en cherchant à infantiliser nos jeunes adultes, c'est une erreur d'éducation. C'est une erreur de tarbiya. Au contraire, le prophète sallam valorisait les jeunes et leur enseignait qu'ils sont déjà adultes et qu'ils sont responsables. Lorsque ceux qui éduquent leurs enfants leur laissent commettre des fautes, tout en disant, il est encore petit, mazel srir, il est encore petit, laisse-le. À un point tel que lorsque le père veut éduquer l'enfant, la mère, et le rend pas pour laisser l'enfant commettre le mal et manquer de respect aux personnes âgées, aux grandes personnes, à elles-mêmes ou aux grands-parents. Il est petit, il est ceci. Non. Il a 12 ans, il a 13 ans, il a 15, c'est un homme. Si les pubères, c'est un homme. Et l'éducation, si tu la commences, subhanallah, en attendant qu'il ait des poils au menton. Mais subhanallah, t'es en retard de combien de trains? L'éducation, elle commence avant même la naissance de l'enfant. Avant même la naissance de l'enfant. Tu commences l'éducation, tu dis à 3 ans, je commence. Mais t'as raté le train. L'éducation commençait avant sa naissance dans le choix de sa mère. Dans le choix de sa mère, comme a dit un des pieux prédécesseurs, Saïd Moussaïb, à ses enfants, je vous ai fait du bien quand vous étiez petit, quand vous étiez grand et même avant votre naissance. Oh cher père, comment as-tu pu nous faire du bien avant notre naissance? Il a dit, je vous ai choisi une mère, personne ne pourra vous insulter à travers elle. Une femme bien, une femme digne, une femme respectable, une femme droite, une femme qui craint Allah Azza wa Jal et aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis, dans l'éducation de celle-ci, puis, à sa naissance, en lui donnant un beau nom, en faisant l'aqiqa, puis lorsqu'il grandit en faisant dua pour lui, en s'éloignant des mauvaises terres, des mauvaises herbes, en arrachant les mauvaises herbes, en arrosant la fleur, la plante, na'am, avec la science utile, les actions pieuses, en étant toi-même un exemple pieux, en faisant ton devoir d'exemplarité, toi et l'épouse, en allant vivre dans un endroit où tu peux adorer Allah Azza wa Jalla, où il y a l'adhan, où tu es préservé dans ta religion, na'am, où tu n'as pas de difficulté à adorer ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tout cela rentre dans l'éducation. Et toi, à 12 ans, à 13 ans, tu dis, il est encore petit, Allahu Akbar, combien de trains tu as raté? Abu Dharr radiallahu anhu lui dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, pas un musulman ne perd 3 enfants, n'ayant pas encore l'âge de la responsabilité, sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis par la grâce de sa miséricorde envers eux. Donc ici, on voit qu'après avoir atteint la puberté, il y a une grande différence. Ça n'est plus un enfant, c'est un homme. Et cette récompense est rattachée à celui qui perd un enfant. 3 enfants. Barakallahu fikoum. Quelle est la récompense? S'il espère la récompense d'Allah, s'il se montre endurant, il rentre au paradis. Grâce à ses actions? Non. Grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Barakallahu fikoum. Enfin, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: man mata lahu thalathatun lam yablughu al-hinth أدخله الله إياهم بفضل رحمته الجنة. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque perd 3 enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la responsabilité, c'est-à-dire la puberté, Allah le fera entrer lui et ses enfants au paradis par la grâce de sa miséricorde. Par la grâce de sa miséricorde. Na'am. Ce hadith a le sens des hadiths précédemment mentionnés. Tous ces textes nous concernent tous. Car soit nous avons été éprouvés par cela, soit nous connaissons autour de nous des gens ayant été éprouvés par cela. Naam. Et je ne peux m'empêcher de penser et d'avoir une pensée pour une grand-mère qui nous a accompagnés au Hajj il y a de nombreuses années. Hafidah Allah wa shafaha, qui était malade et endurante. Et sa fille a eu cette épreuve. Naam. Ou son fils, j'ai oublié, a eu cette épreuve. Naam, quoi qu'il en soit, son petit-fils est décédé noyé. Et c'est une grande épreuve. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde la récompense de cette épreuve et qu'ils pensent leur douleur et leur plaie. Et subhanallah, naam, la mère de l'enfant était décrite comme étant très endurante, elle supportait cela. Et le frère était là, le père de l'enfant était là, et la tristesse, subhanallah, l'épreuve est encore visible sur lui. Qu'Allah Azza wa Jal dissipe sa tristesse et l'aide à espérer la grande récompense d'Allah Azza wa Jal. qu'Allah leur accorde la grande récompense au paradis, la préservation et des grands remparts solides contre le feu de l'enfer. Tout comme je ne peux m'empêcher de penser à notre frère Karim qui habite aux Émirats, qui a été éprouvé également par cela, par cette épreuve et a perdu plusieurs enfants. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder cette grande récompense à lui et son épouse, ainsi qu'à l'ensemble des croyants et des croyantes ayant été touchés par cette épreuve. Aussi pour finir, j'aimerais, chers parents, ayant été éprouvés par cette grande épreuve, par le savant et le sage, Na'am, j'aimerais vous offrir un grand cadeau. Je n'ai pas assez de mots, je n'ai pas assez de biens pour panser vos plaies. Mais je peux vous offrir un cadeau à la valeur ineffable, inestimable, indescriptible. Ce cadeau, chers parents, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous dit, qui vous dit, chers parents, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال فذاك لك. Écoutez ce hadith poignant, ce cadeau que je vous offre, chers parents ayant été éprouvés par cette épreuve. Qurra ibn Iyas al-Muzani radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam al-Nasa'i, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait place, c'est-à-dire pour enseigner, pour parler aux compagnons. Et un groupe de compagnons prenait place auprès de lui. Et parmi eux, il y avait un homme qui venait avec son fils qui était petit. Et son fils venait de derrière lui. Il le prenait et le faisait s'asseoir devant lui. Puis, cet enfant est mort. Alors l'homme se refusait d'assister à l'assise de science, car ça lui rappelait trop son enfant. Il a été touché de grande tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant perdu de vue, demanda « Comment se fait-il que je ne vois plus un tel ?» Ils lui ont dit au messager d'Allah « Vois-tu son fils que tu voyais ? Il est mort. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rencontra. Il l'interrogea au sujet de son enfant. Il l'informa donc qu'il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réconforta, lui présenta ses condoléances. Puis il lui dit, ô un tel, laquelle de ces deux choses est la plus aimée auprès de toi? Que tu puisses te délecter et jouir de ton enfant toute ta vie? Ou alors que tu ne te diriges vers aucune des portes du paradis sans y trouver ton enfant qui t'a précédé pour te l'ouvrir. Allahu Akbar. Je répète. Ou alors que tu arrives demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection, sans trouver une des portes du paradis, avec ton enfant qui t'a précédé pour te l'ouvrir. Il répondit, il dit, « Ô prophète d'Allah, mais plutôt je préfère qu'il me précède aux portes du paradis pour me les ouvrir. Ceci est plus aimé auprès de moi. » Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Fadakalak, ceci est pour toi. C'est ce qui t'arrivera, c'est ce que tu attends, c'est ce que tu dois espérer. » Et si cela était cité pour cet homme, vous devez espérer cette récompense en Allah Azza wa Jal, parce que Allah est Dhul Fadl Azim. Allah est le détenteur de l'énorme grâce et celui qui a donné à ce compagnon est celui qui peut vous donner à vous. Pour conclure, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, authentifié par l'imam al-Albani dans le recueil d'imam al-Tirmidhi rahimahullah, إذا مات ولد العبد قال الله لملائكتي قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'enfant du serviteur décède, Allah dit à ses anges, c'est-à-dire les anges, c'est-à-dire l'ange de la mort et ceux qui l'aident pour récupérer l'âme des défunts. Allah dit à ses anges, avez-vous récupéré l'enfant de mon serviteur? Ils répondent oui. Il dit, avez-vous récupéré le fruit de son cœur? Ils répondent oui. Alors il leur dit, et qu'a dit mon serviteur? Ils répondent, il t'a loué, il a dit alhamdulillah. Et wastarja, il a dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons, vers lui que se fera notre retour. Alors Allah dit, construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la demeure de la louange, parce qu'ils ont dit alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit alhamdulillah. Dans ce texte, Allah les questionne alors qu'il est plus savant. Mais c'est pour montrer la grande récompense qu'il va leur donner. C'est pour montrer la grande valeur des parents endurants lorsqu'ils perdent l'enfant. Et on a dit le fruit de son cœur. Comme les fruits de l'arbre, parce que l'enfant, il sort des parents. Il dit, et qu'a dit mon serviteur? Pour montrer, pour immensifier ce comportement et cette endurance et le zikr d'Allah dans ce malheur terrible. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voici leurs paroles. Alors Allah Azza wa Jalla dit, ubnu li 'abdi baytan fil janna wa sammuhu bayt alhamd. Construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison du paradis. On demande à Allah Azza wa Jalla. Wa huwa akramul akramin. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa al-ghaniyul hamid. Wa huwa al-latif. أن يدخل جميع مصاب المسلمين بفقد أولادهم الجنة. On demande à Allah Azza wa Jalla d'accorder à l'ensemble des croyants qui ont été touchés par cette épreuve de leur accorder l'endurance, l'espoir de la récompense et de leur construire une maison au paradis. Et vous avez en cela un parfait exemple, le prophète sallam, lorsque son fils Ibrahim est décédé, il a pleuré et a dit Inna al-qalba yahsan, le cœur s'attriste. Et les larmes coulent. Mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes certes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Le prophète sallam est votre exemple. Il vous a précédé dans cette épreuve. Il a enterré tous ses enfants, sauf Fatima, radiallahu anha, qui est morte six mois, après lui. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Si tu te demandes celle qui a fait une fausse couche, celle dont l'enfant est décédé et tombé avant, est-ce qu'elle entre dans ces hadiths ou pas? Ça sera le cours de la semaine, ça sera le cours de ce dimanche, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.